Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc toujours dans Kitab al-Fiqh de la jurisprudence, nous avons fini dans le dans précédent le chapitre qui touche à la purification, car elle est une condition indispensable pour l'accomplissement de la salat, qui elle est le deuxième pilier de l'islam. Et maintenant on rentre justement dans Bab al-Salat, le livre de la salat. À la salat, à la base, littéralement parlant, ça veut dire invoquer. Le fait d'invoquer tout simplement. Une invocation. Et dans le shara, c'est ce que l'on connaît, qui sont des actes particuliers, mon particulier, qui commencent par takbir et qui finissent par le taslim. Comme l'on définit certains ulama. فقال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال الثالث وثمانين بعد سبعمية 783 question. كيف ينادى للصلاة؟ Donc en premier lieu, il parle de l'azan, l'appel à la salat, qui est un emblème de l'islam. قال comment on appelle la salat? En faisant l'azan, ce qu'on appelle l'azan. Comme dans le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. Rawah ou le Bukhari ou le Muslim. Que si quand lorsque la salat arrive, c'est-à-dire le temps arrive, que l'un d'entre vous fasse l'azan, l'appel à la salat. Donc cette azan est obligatoire. Et c'est un fard qui fait une obligation commune. C'est-à-dire si certains le font de façon suffisante, d'autres n'ont pas à le faire. Et l'azan doit se faire entendre. Car le but de l'azan, justement, c'est dire l'annonce que la salat, le temps est de rentrer. C'est-à-dire la façon dont l'azan est fait en France, cela n'est pas valable dans la mosquée que personne n'entend. Les gens le font pour dire on fait le minimum que l'on puisse faire. Comme a dit Allah, il taqurra ma sata'atum. Mais cette azan-là n'est pas l'azan shadri, tel qu'il est demandé en religion, qui lui doit se faire entendre, d'accord, à l'extérieur, par le plus de gens possible. Thumma qala fi su'al arabiyya wa 80 bar 700. 784e question. Othkur sirat al-azan. Cite comment se fait l'azan. Et ça, c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Zayd. Nous avons cité le hadith auparavant qu'il avait vu cela en rêve. Comment faire l'azan? Quand la tafa bi wa ana na'imun rajulun, qu'un homme est venu alors que je dormais. Quand la taqul Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya as-salah, hayya as-salah. Hayya al-falah, hayya al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et qu'au lendemain, il en a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit que ce rêve était véridique et que de faire la salat, de faire l'azan de cette façon-là. Et le hadith est apporté par Ahmed. Donc on fait 4 fois le takbir, on fait 2 fois la première shahada, 2 fois la deuxième shahada, ensuite on dit hayya al-salah, 2 fois, qui veut dire accourir vers la salat, hayya al-falah, 2 fois, qui veut dire accourir vers la réussite, comme les gens le traduisent, il me semble, ou la félicité. Et après, tu refais le takbir 2 fois, et après, tu fais la shahada une fois. Ou plutôt, tu dis la ilaha illallah. Naam. Thumma qala fi su'al al-khamis wa 80 bar 700. 785e question. Maza nazidu fil adhan al-awwal li salat al-subh. Que doit-on rajouter lors du premier adhan pour la salat du subh? Car le adhan, il y en a deux. Il y a le azan qu'on appelle el-kazib, qui est l'azan qui est celui qui est menteur, c'est-à-dire que le temps n'est pas rentré en réalité de la salat, et par la suite, peu de temps après, il y a l'azan qui est à sa'adiq, celui qui est véridique, qui lui est l'annonce du temps légiféré pour la salat. Et le premier azan, c'est un trait blanc qui va du haut vers le bas. Et l'autre azan qui est le véridique, c'est un trait blanc dans l'horizon. Dans le premier azan, dans le hadith de Anas, qala min as-sunnah idha qala al-mu'adhdhinu fi azan al-fajr hayya al-falah qala as-salat khayrun min an-nawm. Donc on rajoute après le fait d'avoir dit hayya al-salah, as-salat khayrun min an-nawm, que la salat est meilleure. D'accord, la salat est meilleure que le sommeil. Après il y a un khilaf entre les ulama, est-ce que ça se dit dans le premier azan ou dans le deuxième? D'accord, est-ce que ça se dit dans le premier ou dans le deuxième? Et l'auteur lui voit que cela se fait dans le premier. ثم قال في السؤال السادس وثمانين بعد سبعمية 86 كيستيون، ماذا يقول المؤذن إذا نزل المطر أو شق على الناس الخروج للصلاة؟ Que doit dire le muezzin, celui qui fait l'appel à la salat, si jamais il pleut, ou alors qu'il est difficile aux gens de sortir pour la salat, par exemple comme il y a beaucoup de vent ou il fait très froid, d'accord, ce genre de choses. Il dit sallu fi rihalikum ou sallu fi biyutikum, qui veut dire faites la salat dans vos demeures, dans vos foyers. Et ça il le dit à la place de hayya ala salat, ou alors après avoir dit hayya ala falah, ou alors tout simplement à la fin de l'azan, une fois qu'il a tout fini. D'accord ? Trois façons de le faire. Soit à la place de dire Hayya ala salah, tu dis Sallu fi rihalikum. Ou alors, une fois que tu as dit Hayya ala falah, tu dis Sallu fi rihalikum, ou fi biyutikum. Ou alors, à la fin de l'azan que tu as fait totalement, tu le dis. Naam. Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas. Justement, qu'il avait dit à Mu'adhin, alors d'un jour de pluie, إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم كلا دي quand tu as dit أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ne dis pas حي على الصلاة mais dis صلوا في بيوتكم dis faites la salat dans vos maisons. Et les gens en furent surpris de façon négative parce qu'ils ne connaissaient pas cela. Et il dit عن ابن عباس أتعجبون من ذا فقد فعل ذا من هو خير مني. Vous êtes surpris de cela alors que celui qui est meilleur que moi l'a fait. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car il dit فإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في التين والدهد والدهد. Il a dit car je crains, je déteste le fait de vous faire sortir de chez vous dans la difficulté, c'est-à-dire dans la boue ou sur un sol glissant. Donc ça c'est parmi les choses qu'on dit que la religion elle est facile. Ça, c'est parmi les facilités de la religion, le fait de faire salat à la maison lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a beaucoup de vent. D'accord ? Et même s'il a plu, la pluie s'est arrêtée, mais que le sol est encore glissant par la boue, ou qu'il est difficile de se rendre au masjid, alors il est permis de faire salat à la maison. Donc ça, c'est le premier dalil pour le fait de le dire à la place de Hayya al-Salah. Hayya al-Salah. Après, le fait de le dire après l'azan, c'est le hadith ibn Omar. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana ya'muru muazzanan yu'azzinu. ثم يقول على إثره ألا صلوا في رحالكم. Donc le Nabi sallam avait ordonné au muazzin de faire l'azan et de lui dire qu'il dise après qu'il a fait l'azan de dire alla ou ala sallu fi rihalikum ou fi rihal plutôt ala sallu fi rihal, et cela lors d'une nuit froide ou une nuit pluvieuse ou alors en voyage. Et troisième preuve de le fait de le dire après Hayya ala al-Falah, c'est le hadith de Amr ibn Awsin. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu plutôt celui qui fait l'azan avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire Hayya ala al-Salah, Hayya ala al-Falah. Sallu fi rihalikum. Qu'il a entendu cela, que le Nabi sallam était présent, dire Sallu fi rihalikum après qu'il ait dit Hayya al-Falah. Wa kaza. Thumma qala fi suwal al-sabi wa thamanin wa sab'amiyya, 787e question. Ma hukm qul Hayya ala khayl al-amal fi al-azan, le fait de dire accourir la meilleure des œuvres. Ça, c'est une bid'a, une innovation qui fait partie des bid'a des Shia. Si jamais tu entends dans l'azan, Hayya ala khayl al-amal, sauf que tu as affaire à des chiites. Automatiquement, car c'est eux qui ont rajouté cela. Et dans le azan légiféré, il n'y a aucune preuve citant cet ajout. Et le dalil, c'est que cela est rejeté dans l'azan. Le hadith de Aïcha. Qalat, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Que celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre enseignement, cela est rejeté. Également dans le azan, il est recommandé de répéter ce que l'azan dit, comme dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, ou plutôt Abu Musa al-Ash'ari, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'amiat al-Munadi yunadi, faqulu mi sema'akul al-Mu'adhin. Si vous entendez le Mu'adhin faire l'azan, alors répétez comme lui. D'accord, répétez comme lui, le hadith est muttafaqun alayhi. نعم هذا الذي ردنا اليوم. وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.